Chapitre 2e, l'enquête de l'inspecteur. L'inspecteur Paul Barre commença aussitôt ses recherches. Il avait reçu commission rogatoire du juge d'instruction. Cette mesure, fort usitée en justice dans les affaires difficiles, et aussi lorsqu'elles sont nombreuses, permet au juge instructeur de se faire aider dans sa tâche ainsi allégée, et aussi d'utiliser l'habileté professionnelle de certains policiers. C'était le cas dans les procès importants où était fréquemment appelé Paul Barre, le gentleman inspecteur, entré par une impérieuse vocation dans la police nationale. « Qu'on ne touche à rien dans la cellule, » recommanda-t-il, « et que le médecin légiste examine sans délai le cadavre. » « Ne pensez-vous pas qu'il faut d'abord être fixé sur le sort de notre procureur ?» demandait M. Clément, le juge d'instruction. Pour lui, la disparition du magistrat était le point capital de l'affaire. Le plus pressé, c'est de savoir où est le plan volé de la bombe atomique. Je ne l'ai pas retrouvé dans le dossier. Et c'est cela, d'abord et avant tout, dont je me suis occupé. Excusez-moi, mais il s'agit de la France. Le docteur Souchon était un médecin de campagne, légiste par occasion. Aussi bien ne pensa-t-il pas à sa tâche très compliquée en cette affaire. Il examina le cadavre et déclara. Comment cet homme est-il mort et de quoi? Ma foi, je vous le dis franchement, je n'en sais rien. Un poison? Rien ne le décèle sur le corps. Pas de tache, pas de trace de vomissement ante ou post-mortem. Il me faudra faire un prélèvement de viscères. Est-ce bien utile? Fit Paul Barre. Le praticien, sans prendre la peine de répondre à cet homme de police qui prétendait se mêler des choses de la science, reprit. Aucune trace de blessure sur le corps, vous croyez? Le docteur regarda l'inspecteur, il était courroucé. Si vous voulez prendre ma place, fit-il en tendant à Paul Barre son tablier blanc d'opérateur, si vous le voulez bien. Une seconde seulement, répliqua Paul Barre. Il retourna le cadavre étendu sur la table disposée dans le corridor de la prison. Il posa son doigt sur un imperceptible point rouge placé derrière le cou, en dessous de la nuque. Voyez? Le médecin, qui était un peu myope, se pencha légèrement et dit négligemment « Pouah, une piqûre de moustique !»« Non, une piqûre d'épingle !»« Alors ?»« Alors, l'épingle ou l'aiguille n'a-t-elle pas pénétré dans le bulbe arachidien et la mort, en ce cas, n'est-elle pas instantanée ?»« Et qu'il aurait enfoncé cette aiguille dans le crâne du gardien, le prisonnier, il était enfermé dans sa cellule. »« Ici, docteur, je ne suis plus dans la médecine, votre élément, je suis dans le mien, la chose policière. » Comment le gardien Joseph Véry était-il placé? La femme du gardien-chef me l'a dit. Je viens de l'interroger là-dessus. Véry était debout, adossé à la porte, il lisait un journal. La porte ne pouvait pas s'ouvrir à son insu. Alors elle ne s'est pas ouverte, mais le Judas, lui, était ouvert. Regardez, j'ai à peu près la taille de la victime, un peu moins grand peut-être. Paul Barre se plaça devant la porte de la cellule, extérieurement dans la position qu'il avait indiquée. Le Judas s'ouvre juste contre sa nuque, mais il était moins grand que Joseph Berry. Le détenu assassin n'a eu qu'à enfoncer son aiguille dans le bulbe arachidien de la victime. Une aiguille se dissimule facilement. Mais comment est-il sorti de la cellule? Comment prendre la clé? Il n'a eu qu'à saisir, au moment de la mort instantanée de sa victime, la courroie de l'équipement d'armes du gardien. Sa main peut passer tout juste, mais elle le peut. J'ai essayé, par le Judas. Il n'a eu qu'à tirer la courroie et il atteint la sacoche où était la clé, la prise et ainsi, de l'intérieur, a ouvert sa cellule. « Pourquoi, je me le demande, » fit le juge, « est-il resté à nous attendre devant la porte au lieu de sortir ?»« Parce qu'il n'avait pas la clé de sortie de la prison, qui était entre les mains du gardien-chef, et qu'il ne pouvait assassiner impunément celui-ci pour la lui prendre. Il était en famille, sa femme, ses trois enfants. Un massacre n'eût pas fait reculer le crime, mais ça fait du bruit, un massacre. C'était une imprudence. Il a attendu les événements, et l'événement, ça a été nous, et notre procureur. » Le juge revenait à la charge. Il gagnait déjà la porte. « Inutile, » dit l'inspecteur. « Je sais, » et il expliqua, sommairement et clairement à son habitude. Le plan a disparu. Crime n'était retourné au palais que pour s'en emparer. Le procureur aussi a disparu. C'est à peine le petit jour. Encore la nuit. Vous connaissez la fenêtre du cabinet de M. Gontier? Le torrent au-dessous. Et ses eaux tourbillonnantes. Crime est d'une force prodigieuse. Il a défenestré le magistrat. Et l'eau a entraîné le corps dans son courant rapide. Il faut donner les ordres pour les recherches de ce corps. Oui, fit le juge. Merci, monsieur l'inspecteur. Nous savons tout de l'affaire. Tout? Nous ne savons rien. Où est Crime? Et sans rien ajouter, Paul Barre partit vers la gare. Un quart d'heure plus tard, le train le ramenait vers Paris. Arrivé, son premier soin fut de se présenter au ministre de l'Intérieur. « Monsieur le ministre, » fit-il, il faut faire effectuer les essais de l'avion atomique au plus tôt et dans le plus grand secret. Je suis sûr, je sais que tous nos aviateurs d'essais sont surveillés par la nuit d'espions, que nos dernières recherches sur la désagrégation des atomes et leur utilisation industrielle ont amené chez nous. Mais ils ne nous savent pas prêts. Du moins, je l'espère. Il faut faire effectuer ces essais par un pilote inconnu. Un inconnu pour un tel essai. Il le faut, monsieur le ministre. Le ministre réfléchit. Attendez. J'ai peut-être l'affaire. Mon chef de cabinet a ici, à Paris, en famille, sa belle-sœur qui est la femme d'un aviateur en garnison en Afrique du Nord. Officier encore inconnu chez nous, mais qui s'est révélé là-bas comme un as extraordinaire. Il passera à Paris inaperçu. Mon chef de cabinet, beau-frère de sa femme, m'a dit que celui-ci n'était pas venu à Paris depuis 10 ans. Lui-même ne l'a jamais vu. Cet officier s'est marié à Oran, avec une fort jolie femme d'ailleurs, et qui a assez de charme pour faire sensation à Paris. Je vous confie son nom, le lieutenant Pierre Flavien. Bien, dit Paul Barre. Il faut savoir si cette jeune femme est sûre. Elle est descendue au grand hôtel, vous pouvez l'y voir. Au grand hôtel, à l'heure du thé, dans le hall, Paul Barre retrouva sans difficulté la femme de l'aviateur. Sa grâce, sa beauté étaient très remarquées. Tout autre que l'inspecteur Paul Barre n'eût pas été surpris de l'attention avec laquelle un personnage brun, au teint basané, l'observait, et sans en avoir l'air, ne la perdait pas de vue. Paul Barre, qui connaissait tout Paris, était dans les meilleurs termes avec le propriétaire du grand hôtel. « Quel est ce sombre Hidalgo ?» lui demanda-t-il. « Le comte Prado de Portogono. Oh, nous le connaissons fort bien. Un parfait gentleman, un habitué de noter, un haut personnage d'Argentine. Ah, et cette jolie dame blonde, irréprochable. Son mari est officier, quelque part aux colonies, aviateur, je crois. Oui, le comte lui roule des regards langoureux, mais il perd son temps. Irréprochable, je vous le dis. » Ce dernier point restait établi. Mais ce qui inquiétait Paul Barre, c'était l'optimisme officiel. Il savait que l'espionnage qui entourait nos aviateurs depuis que la France recherchait l'utilisation industrielle de l'atome désintégré, et notamment dans l'alimentation des moteurs, s'exerçait non seulement en France, mais aux colonies. Tout de même, se disait-il, il faut bien que l'un de nos as de l'air, et spécialement un pilote d'essai, fasse celui de l'appareil atomique. Alors, plutôt encore cet officier-là qu'un autre, pourvu qu'il n'y ait pas d'indiscrétion, de fuite. Une parole imprudente est si facilement dite innocemment. Vous êtes désigné, lui dit quelques heures plus tard le chef de la sûreté, pour veiller sur le pilote qui vient du Maroc et sera dans 3 jours à Paris. Sa femme a été chargée de mission et doit aller le trouver et l'informer que le choix s'est porté sur lui pour expérimenter l'avion atomique. C'est le lieutenant Pierre Flavien de la base de Casablanca. Je sais. Madame Flavien a quitté Paris. Elle prend l'avion demain à Toulouse. Son mari et elle repartent le lendemain du Maroc par la même voie. Veillez sur eux quand ils seront là. J'y veillerai, chef. J'y veille déjà.